de spectacle. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On apprendra des choses dans la chronique éducative, c'est un fait. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? D'autres affaires. Assemblage requis tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, on se le dit 27 octobre 2014, je m'appelle Mathieu Plante. Moi c'est Stéphanie Paradis. Salut Steph, c'est la semaine de l'Halloween. Oh. Ah oui c'est vrai, c'est pour ça que tu t'es déguisé. Oui. Non, t'as un super beau chandail, un chandail de la Luître. Merci, match ce soir 20h, chasse-galerie gratuit. C'est ça a lieu. Ah oui, un match de la Ligue On dirait que t'as eu comme un espèce de lavement de cerveau. Puis, Bon, en fait, j'ai mis le chandail. Tu sais, tu pourrais me dire, bon, mais Mathieu, pourquoi est-ce que tu mets pas un chandail normal? Lorsqu'il est arrivé le moment de la Luître, tu changes ton chandail pour celui de la Luître. Parce que t'as pas le temps de retourner chez vous, t'as changé. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je te pose pas la question. Et ouais, c'est assez évident. Et sinon, parce que j'oublierais de le faire, de le mettre dans mon sac. Ah oui, il y a ça. Fait que là, le lundi matin, je m'en rappelle, je le porte toute la journée. Je peux pas oublier que j'ai ça à préparer pour 20h ce soir. Ouais, c'est clair. Ben, c'est encore drôle. Ouais. Tu te vois pas. Faut que t'ailles quand même dans la salle de bain souvent te voir dans le miroir. Je sais que t'es du genre à te laver les mains souvent. C'est vrai ça. Fait que ça te permet de te voir dans le miroir. Exactement. T'as passé une belle fin de semaine, Stéphanie? Ben, courte. Ouais. Je te dirais. Ouais. Mais sinon, agréable. Cool. C'est bien toi? Ça. Ouais, courte, mais agréable. Est-ce que t'as fait des activités ou non? Absolument pas, non. T'es resté chez vous? Comme Taouin, oui, tout à fait. C'était pas... non! Je suis allée à une démo des gadgets érotiques. Ah, cool! C'est pas un changement de Tupperware et des autres affaires de même. C'est ça. C'était le fun. Ouais. La fille est arrivée comme une heure en retard, mais elle était tellement drôle que je trouve que ça l'a excusé. Ah. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est dans la vie. T'sais, même si vous êtes en retard, si vous remettez une chronique à la plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine. Si c'est bon, c'est ça. On pardonne. Exactement. Donc, parlons justement des affaires qui vont s'éveiller à remplir les absences aujourd'hui. On a, c'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Ça, c'est à 8h30. On va faire son foutu palmarès édition spéciale de l'Halloween. Oh! Ok, qui part de l'émission d'aujourd'hui. Et je crois que ça va être ça et plus, l'émission d'aujourd'hui. Même nous, on va être surpris. Même nous, par tout ce qui va se passer devant nous ce matin. Mais on va commencer avec une valeur sûre, un succès assuré. Tout le monde adore The Pretty Reckless. Ah ben t'sais. Et ça te commence bien une émission sur un lundi matin, je te jure. Je te jure, je t'en passe un petit papier. Voici Heaven Knows au 89.1 FM. Vous n'êtes pas en retard, c'est juste une sonnerie, une sonnette dans la chambre. Faites-vous en pas ça. You can hear him cry, oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it. Oh Lord, heaven knows we belong way down below, way down below, way down below. Judy's in the front seat picking up trash, living on the dole, gotta make that cash. Won't be pretty, won't be sweet, she's just sitting there on her feet. Sing it. Way down below, way down below, way down below. I've had say. You can hear the crying. Oh! The Pretty Reckless et la chanson Heaven Knows à Assemblagerie. Yay! Yay! Yay! On est comme des petits enfants quand ça joue cette chanson-là. Yay! Ah, oh! On est comme des petits enfants qui vont de porte en porte quémander des bonbons. Voici son foutu palmarès. C'est son foutu palmarès. Où on établit une liste sur un sujet précis. Aujourd'hui, Stéphanie, je t'ai préparé plein de listes. On va en avoir pour notre plaisir. On commence avec sept façons par lesquelles ou que les films utilisent, disons, pour éliminer les téléphones cellulaires dans les films d'horreur. Ah! Tu sais, c'est bien facile à un moment donné de dire « Ah, il n'y a pas de signal! » C'est comme la façon... Ben, genre, je suis dans un chalet, dans le bois... ou dans le fond de, je sais pas moi, de la Norvège. Genre, et no signal sur le téléphone cellulaire, c'est un peu trop facile. On est au 21e siècle, les gens croiront pas qu'il n'y a pas de signal cellulaire, il y en a partout. Effectivement, c'est de moins en moins crédible. Voilà, donc les films doivent trouver des façons imaginatives de remplacer ça. Donc, on va faire une petite liste de ça, avec évidemment quelques spoilers. Ça peut arriver. OK. Ça peut arriver, mais c'est des films que vous verrez probablement jamais. Commençons par le film You're Next. Hein? You're Next, qui est un... Ouais, je sais pas. Qui est un film où les gens sont pris dans un manoir alors qu'il y a des tueurs lapins qui vont les tuer un par un. T'es-tu sérieux, là? Oui, je suis sérieux. C'est You're Next. OK, effectivement, c'est probablement un film que je verrai jamais. Non. Tu peux voir la bande-annonce en passant sur assemblagerequis.com pour tous les films que je mentionne aujourd'hui. Donc, la maison est assez reculée pour évidemment avoir le problème du pas de signal. Par contre, le film donne un petit peu plus de réalité en ayant des cell phone jammers, des petits gadgets qui empêchent les ondes cellulaires d'être utilisées sur les téléphones, des petits gadgets qu'on peut avoir. Donc, les méchants utilisent ces jammers-là. Ah! C'est une bonne idée. Ça, c'est donc combattre la modernité par la modernité. Ensuite, t'as ton téléphone, t'as la couverture cellulaire, mais où est ton maudit chargeur, hein? Mm-hmm. Ah ben oui, ça t'arrive tout le temps. Tout le temps. Moins depuis que j'ai un autre téléphone de nouvelle génération. Mais dans le film House of Good and Evil, une femme de plus en plus instable va aller faire du vélo à tous les jours pour pouvoir contacter son mari à l'endroit près de la maison qui a une couverture cellulaire. Mais elle apprend que son chargeur a été perdu pendant son déménagement récemment. Donc, la prémisse de perdre quelque chose parmi ton déménagement ne demande pas trop de suspension de ton... Effectivement, ça arrive, c'est fini. Ça arrive, c'est de même, on se comprend tous. Ensuite, de tout le monde qui met son téléphone dans un sac, dans un camp. On se rappelle de ça quand on est peut-être pas, nous autres, on s'en rappelle pas parce que quand on était jeune, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Mais bref, il y a plusieurs situations où on peut dire dans un party quelque chose, bon, on met tous les téléphones sur la table, on ne va pas sur son cell à regarder oui, Facebook. Oui. Bon, donc le film The Mooring, c'est des adolescents qui vont courir dans les bois. Des morons. Oh, c'est pas pire ça. Donc, qui doivent s'échapper d'un meurtrier. Mais la raison logique pour laquelle ils n'ont pas de cellulaire, c'est évidemment qu'ils étaient dans un genre de comment dire, une séclusion, une retraite sauvage. Ressourcement. Ouais. Dans le bois. Donc, pour ces adolescentes-là, c'est pour ça qu'ils ont dû mettre leurs appareils électroniques dans une pile. Évidemment, un sac que leur conseiller, donc, dans le fond, la personne qui s'occupait d'eux autres. Leur psy, s'est rapidement fait tuer dès le départ. Donc, les meurtriers ont volé le sac de cellulaire. Oui. Bon, c'est évident. Ensuite, le téléphone fonctionne très bien. Par contre, c'est ton cerveau qui ne fonctionne pas bien. C'est dans le film The Secret Village, qui est l'histoire d'une jeune journaliste intrépide qui va essayer de découvrir ce qui se passe dans une ville satanique qu'elle visite. Donc, son téléphone fonctionne très bien. Elle l'utilise pour tenir son rédacteur en chef au courant, même qu'elle va lui supplier d'envoyer la police quand les choses commencent à aller mal. Le problème, c'est qu'elle agace tout plein de gens avec ses problèmes, dont un esclave récemment libéré et un paquet de sorcières qu'elle va téléphoner. Et personne dans ce groupe-là les aide, ben, l'aide vraiment à sortir de ce pétrin. Ouais. Ensuite, prochaine façon que les films d'horreur utilisent pour se débarrasser des téléphones cellulaires dans notre vie moderne, c'est la Terre. Est-ce que tu connais le film Detour? Ben non, je connais pas ça, ces films-là. Ça date de 2013, c'est quand même assez récent. Ouais, mais ça a l'air d'être tous des films bas de gamme. Ben c'est ça. De toute façon, les films d'horreur, c'est pas quelque chose que j'écoute vraiment. Moi non plus. Donc, le cellulaire du héros ne fonctionne pas, mais c'est pas parce que le scénario l'a forcé à gaffer ou à échapper son téléphone dans de l'eau ou dans de la terre ou n'importe quoi. Non, c'est que la terre est au-dessus de sa tête parce qu'il est enterré à 10 pieds de profondeur et par-dessus lui, il y a de la terre. Ah, et ça fait partie du scénario. Je veux pas voir ça. Il est pas comme enterré tout le. C'est pas cela, c'est celui avec. Non, mais c'est parce que tu viens de dire ça. Bon, ben c'est un peu la même. Mais c'est pas le même film que celui que tu penses, que je pense que t'as peut-être vu la bande annonce. Non, je parle pas d'un film du tout, là. Okay. Je fais juste dire, il est-tu comme enterré? C'est comme dans un cercueil puis t'es poigné dans la terre ou non. C'est juste comme inversé? Je crois qu'il est. Je suis pas sûr parce que j'ai regardé un petit peu la bande annonce puis j'ai pas trop porté attention, mais je pense qu'il est dans sa voiture. On le voit prendre des vidéos pour sa fille, pour lui dire genre t'as un père. Mais il est enterré dans sa voiture. Ouais, dans sa voiture. Ok, je peux juste pas regarder non, ce film-là. Non. Parce que je suis hyper claustrophobe. Tu sais, dans Fort Boyard, là, t'as une pièce où il faut qu'il promène justement, qu'il passe la clé autour d'un tuyau de métal. Là. Oui. Puis là, il faut qu'il passe dans une espèce de tunnel. C'est comme en plexiglas transparent avec de la glace dans le fond. Là. Oui. Ça, je fais juste regarder ça, puis je me sens mal, puis je me pogne après le divan, mais j'aime pas ça. Ça, et en plus, c'est animé par Guillaume Lemaitre-Vierge. En plus, deux phobies. Oh, oui, c'est... Donc, voilà son téléphone qui ne fonctionne pas, qui n'a pas de réseau. C'est partie de l'histoire. Ensuite, les vampires ont volé les cellulaires. C'est dans le film 30 Days of Night. Ils ont volé? Volé. Complètement. Donc, c'est des vampires. Qui sont prêtres. Comment? Ils sont prêtres. J'ai entendu son prêtre. J'étais comme moi, ouais, sûrement. Vampire, prêtre, même chose. Donc, ils prévoient manger la ville au complet. Donc, ils volent chacun des cellulaires dans la ville, les brûlent et les enterrent dans de la neige. C'est ce qu'ils font. OK. Ouais. Et finalement, les années 80, c'était cool. Donc, retournons-y. C'est une nouvelle technique du 21e siècle dans les films d'horreur, comme House of the Devil et The Haunting in Connecticut. Ça ne fait pas que se passer dans les années 80, juste pour éliminer les cellulaires. C'est juste que c'est un petit accessoire, un petit point bonus qu'ils ont en mettant le film dans les années 80. Il n'y a aussi pas de cellulaire. Ben voilà. Oui. Et je pense que tout était plus effrayant dans les années 80 aussi, si je ne me trompe pas. C'est vrai. Hein? Ah, les vêtements... Les coupes de cheveux. Mettons. Ouais. Quoi qu'en me regardant, on pourrait penser qu'on est encore dans les années 80. Avec mon pad en arrière. J'ai comme un pad. Mais ouais, mais faut t'y faire couper? Ben oui, je sais pas. Mais j'aime ça faire rire de moi. C'est ce que je te dis. Alors, on a une autre Parfait. Liste. Parfait. Ça fonctionne bien pour toi, ça. Hein? Au retour de notre prochaine pièce musicale, on va avoir 15 façons de célébrer l'Halloween d'ailleurs dans le monde. Tu sais, tout le monde parle d'Halloween en ce moment, puis ça va être des affaires super clichés, là, genre que tout le monde fait. On élimine ça. On y va ailleurs dans le monde. Comment on célèbre ça, l'Halloween, ailleurs dans le monde? Ça doit pas être tout être pareil. Là. Ben non, ce serait bien trop facile. C'est sûr qu'il y a des places où ils font des œufs à coque. T'es-tu sérieux? Ça, j'ai pas... Ah ouais? Je l'ai ben pas, non. Celle-là. Ah, ben okay. Non. OK, ça aurait été cool. Pour l'Halloween, célébrer l'Halloween, tu fais des œufs à coque. C'est un petit peu naïf, hein? Ouais, mais c'est pas grave, je t'aime demain. Super. Moi, je vous souhaite, lorsque l'Halloween aura lieu, c'est vendredi, ça. Ouais. Qu'il n'y ait pas trop de pluie et de cendres. La cendre. Trois-Rivières pose au feu. Tous les téléphones brûlés par les vampires. Hein. Peu importe les mots et la manière, peu importe les ombres et la lumière, toutes les blessures du temps sur la conscience, toutes les raisons de confesser la démence, à toutes les minutes et à toutes les secondes, peu importe les bêtises que je te raconte, à tous les coins et les rues et les tournants, peu importe si je vois rouge comme le sang. Les lignes, peu importe les alarmes et les signes, peu importe les cris et les échos, peu importe la chair et le sang et les os, mon âme pour te croire. Je vis avec les démons et les anges, je suis d'étoiles et de pluie et de sang et de pluie et de sang. Mes œillères, peu importe la joie et la misère, peu importe la brise ou les rafales, peu importe le sommet ou le fond de la cale, mon âme pour y croire. Je vis avec les démons et les anges, je suis d'étoiles et de pluie et de sang et de pluie et de sang. Et la pièce depuis le cendre à Saint-Laurent. Ouh! T'es peur, hein? Tellement peur. On est toujours dans son foutu palmarès. Ouh! On est en train de regarder des listes sur des sujets précis. Par exemple, des façons qu'on célèbre l'Halloween ailleurs dans le monde, dans d'autres cultures. Ah, ben oui! Ça va être intéressant parce que l'Halloween, bon, c'est une fête préférée, je pense, de l'automne chez les Nord-Américains. Donne-moi là une autre fête de l'automne, voir. Ouais. La fête du travail. L'action de grâce. Même la fête du travail, c'est même pas. Techniquement, c'est l'automne. À la fin de l'été, ouais. Mais l'action de grâce, je pense. Il n'y a personne qui fête ça. Non, c'est ça. En fait, ils devraient mettre férié à l'Halloween. Oui. Au lieu. Ben oui. Ben oui. Ça serait bien plus logique. C'est logique, c'est logique. L'action de grâce, on ne fête même pas ça. Ben le monde n'est pas logique, Steph. Ben on va en Espagne pour commencer, les Espagnols. Célèbre la Dia de las Brujas, la journée des sorcières, pendant 3 jours en allumant des feux. et en buvant une boisson locale qui s'appelle Kimaraz. C'est cool. Je sais pas c'est quoi, mais j'en veux. Moi aussi, il y a de l'alcool. En Écosse, un peu comme aux États-Unis, au Canada, en Amérique, finalement, les enfants d'Écosse vont porter des costumes, vont aller passer l'Halloween. Il y a aussi un festival à Edinburgh qui va célébrer avec du feu et de la musique. Oh, du feu! Du feu, feu, joli feu! Rapport avec les démons pis tout. Sûrement. En Pologne, moi, ouais, on n'a pas l'aspect historique derrière ça, mais comment? En Pologne, ceux qui observent la Toussaint en Pologne vont laisser leurs portes ouvertes pour laisser entrer les esprits qui se promènent. Ah! La Toussaint, oui, il y a beaucoup de pays qui célèbrent la Toussaint. Au Portugal, qui célèbre aussi la Toussaint, les enfants vont célébrer en chantant des chansons de porte en porte en échange de bonbons. Oh, hier, il faut que tu chantes en plus déjà qu'il y a des enfants qui passent chez vous. Tu sais, qu'est-ce que tu chanterais comme chanson à la Toussaint? Ben, ils doivent avoir leur chanson rituelle comme à Noël, par exemple. Traditionnelle. Ouais. On s'en va à Hong Kong, Yulan, ou encore le festival des fantômes affamés. Il est célébré au mois d'août. La fête est célébrée pendant 24... Pardonnez-moi. Pendant 24 heures. Pendant 24 heures, je te le jure. Pendant ce temps-là, on croit que les esprits se promènent librement. On va au Cambodge ensuite. Un festival qui dure 15 jours nommé Pichum Ben. On dirait, moi, quand j'ai le rhume, Pichum Ben. Pichum. Pourquoi Ben? Ouais, je sais pas. C'est au lieu de dire à tes souhaits, c'est Ben. Ah! Okay. C'est le gars qui fait les rires, mon oncle Ben. Ça doit avoir rapport avec Benadryl ou Benylin. Ah, voilà! Benadryl! Voilà! Donc, les Cambodgiens vont apporter une variété de nourriture pour les morts. Il y a une petite photo de la nourriture qu'ils amènent sur assemblagewiki.com. On passe en Allemagne ensuite, où la Toussaint est aussi célébrée. Pendant cette fête-là, certains citoyens vont cacher leurs couteaux des esprits, pour pas que les esprits... Comment tu veux cacher un couteau d'un esprit? Ouais. Je veux dire, déjà, ils te voient le mettre dans ton tiroir. C'est ça. Ils voient à travers le tiroir. Voyons, là. Ils sont naïfs. Ah, c'est petit. En Corée du Sud, ils aiment beaucoup les costumes, les festivals et les parades. Les rues sont souvent fermées pour accommoder la célébration. En fait, pas ça, ici. Non, c'est con, au centre-ville, là. Ben oui. Hey, turn that shit off, you know? on va en Irlande, à la place de pêcher pour des pommes. Tu sais, comment est-ce qu'on appelle ça, pêcher pour des pommes avec la bouche dans un seau d'eau? Là? Il y a un mot en ça? Français, je pense, non? Je sais pas. Bref, la pêche aux pommes avec sa bouche dans l'eau dans un seau d'eau. Ouais, c'est ça. C'est le très catchy accrocheur, non? Mais à la place de faire ça, en Allemagne, en Irlande, suivons un petit peu, eux, ils jouent à Snap Apple. L'objectif du jeu est de mordre une pomme qui est accrochée par un fil au plafond ou au-dessus de ta tête. Donc, ils vont à l'envers. C'est intéressant. Ben, probablement qu'il y en a un qui s'est noyé à un moment donné. Exactement. En Italie, maintenant, ils célèbrent la traversée du pont du diable. C'est un pont entre Borgo et Mozzano. Mon Dieu, méchante fête. La traversée du pont. La traversée du pont du diable, Steph. Du diable. Oh, excuse. Alors, Tchèque, République Tchèque, je le sais, c'est République Tchèque. Célébré le 2 novembre, les commémorations, on appelle ça Commemoration of the Departed. C'est une fête tchèque où les gens vont rendre hommage aux morts. Ils vont placer une chaise en avant de leur foyer pour symboliser les gens de leur famille qui sont morts et qui sont vivants. C'est bizarre. Ah. Ouais, devant leur foyer, il faut que tu aies un foyer en République Tchèque. Oui, il y en a peut-être toutes. Peut-être. En Belgique maintenant, plusieurs villes belges vont avoir des festivals ou des parades pour célébrer l'Halloween. La plupart des citoyens belges vont laisser des chandelles allumées à l'extérieur de leur maison pour encore une fois rendre hommage aux morts. Aux Philippines, on va célébrer la Toussaint pendant la première semaine du mois de novembre. Donc, rien de bien spécial là. Au Mexique, le Día de los Muertos, la journée des morts. Ça, je pense que c'est la plus connue. C'est une tradition célèbre au Mexique. C'est célébré en passant pour des bonbons. Donc, de passer l'Halloween, comme on dit. Et en créant un hôtel, tu sais, comme à l'église, un hôtel pour les morts. Et ils ont des très jolis maquillages pour cette journée-là. C'est vraiment beau. En effet, on dirait qu'il n'y a vraiment pas de nez. T'sais. Il n'y a pas de nez. Comment? Pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nez. Tu vois? Le nez est comme noir enfoncé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nez. Allez. Et on finit. OK, non, mais. Parce que moi, j'ai pas les photos. T'as pas les ils photos? Ont pas chargé. Pas les photos. Oh, tu manques quelque chose? Non, mais parce que je connaissais le maquillage. Ah, parce OK, que je c'est... pensais que tu commentais sur la photo. Non, ben non, mais c'est parce que c'est souvent quelque chose qui est tatoué, en fait. Ouais. Mais tu sais quoi? Je pense que le site que j'utilise ou encore utilisé pour c'est un fait, entre autres, je pense qu'ils volent les photos des autres. Fait que je pense que des fois, ils apparaissent pas parce que. Ben, je vois la petite icône là, comme si j'avais Windows 98. Ah, c'est n'importe quoi. Et on finit en Autriche. Si vous pensez que vous étiez obsédé par les citrouilles l'automne, ben non, non, non. L'Autriche, non, non, non, non, non. L'Autriche a un festival annuel de la citrouille qui s'appelle Halloween Umzug. Ah! Eh ben, hein, c'est rempli de détails. Voilà pour donc les façons qu'on célèbre l'Halloween ailleurs dans le monde. T'as oublié de parler dans World of Warcraft, comment ils fêtent ça? Parlement. Ça s'appelle la Sansin. La comment? La Sansin. À Sansin? Non, non, au lieu de la Toussaint. Ah, la Sansin. Sansin. Ah, wow. C'est pas la Sansin, il n'y a pas de L apostrophe, là. Comment? C'est la Sansin. Sansin. Et là, tu peux passer dans toutes les auberges qu'il y a sur le territoire. Et tu as une grosse citrouille, tu peux piocher dedans, puis tu peux avoir des surprises, des bonbons, tu peux avoir des masques, des costumes et tout ça. C'est cool. Tu peux même parler à l'aubergiste, puis il peut te jouer un tour ou te donner des bonbons. Ça, il va peut-être te costumer en ninja ou en fantôme même. C'est ce qui est très réaliste comme costume de fantôme. T'as pas un drap, là, t'es vraiment transparent. Et sinon, ça ressemble à ça. Là. C'est comme la fête la plus célébrée dans World of Warcraft. Non, il y a beaucoup de fêtes. Cool. Oui, c'est un vrai univers. Un vrai univers? Un vrai univers. Univers. Uh-huh. Incroyable. Cool. On va prendre une petite pause au retour. On va continuer avec une deuxième partie de son foutu panarès. J'ai bien l'impression. Mais avant ça, c'est ça, une petite pause. Puis plus tard, on a aussi... la petite musique, je pense, d'Halloween. On va avoir le temps de la musique d'Halloween. Oh! Ouais, un petit peu. Ouais. On commence la semaine tout de suite sur Halloween. De fantômes et tout. Fou de changement. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. Elle, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oh, oui. Tout à l'heure, on va avoir David Ferron et sa chronique. C'est bizarre de chronique les notes salées. On ne sait jamais trop ce qui s'en vient autour de ça, mais bon, nous, on ne se fait pas d'attente parce que sinon, hein, on pourrait être soit heureux ou déçu. Je ne suis pas positif ou négatif. C'est je serais neutre. C'est dur de se faire des attentes de quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi. On ne sait jamais. Non, c'est une surprise. Pas. Une petite boîte à surprise. Avant de continuer avec une deuxième partie de son foutu palmarès, on écoute les gars de Mashup qui nous suggèrent de visiter, peut-être même démarrer si on est chanceux, le truck de la shop. Je pense que si on se prépare à deux, on devrait être capable d'ouvrir ça, de démarrer ça. Le truck de la shop? Ouais. Oh, on va l'avoir, on va l'avoir. Yes! Yeah. Sont pas encore arrivés. Faut la make qui se grille, le truck est bien en cours. Les assoir comme un pour faire un astuto de boucan. Avec les gars de mash-up. Avec les gars de mash-up. Deux ans moins quand le truck est déjà stallé. Oui, c'est Frank qui l'a pas tanké. Ben, c'est toi qui pousse, man, c'est ben plate. Mais tu vas t'user sur l'asphalte. 2, 3, 4, approchez-vous du truck. Du truck des guns de shop. Parfois la veille et à volaille. On va caler des chocs. Ça veut qu'approchez-vous du truck des guns de shop. avec la broche. La broche. Approchez-vous du troc. Du troc des gars de la chambre. Ma poêle à veiller à bon aide. Hot on va caler des chats. Bon, t'es pas gardé. Mais non, c'est pas garanti. Mais là, c'est pas garanti. Pas garanti, c'est pas garanti. C'est le truc de la shop par les gars de ma shop. Oh oui. C'est pas garanti. Non, pas garanti. Formation locale qu'on aimait. Gagnant des mardis de la relève, d'ailleurs. On continue avec une autre partie de son foutu palmarès, sans mettre l'intro, parce que un moment donné, on l'a compris. T'sais. On l'a compris, mais c'est toujours un spécial Halloween. Oh, aïe. Et cette semaine, notre définition de l'Halloween est très, très au sens large. C'est tout ce qui est horreur, c'est tout ce qui est mort, c'est tout ce qui tourne autour de l'Halloween, sans vraiment parler nécessairement spécifiquement de l'Halloween, parce que, à un moment donné, l'Halloween, c'est trop facile. D'en parler. Parce qu'à un moment donné, ça tourne en rond. Ben voilà, en rond, puis après ça, tu fais des petits triangles pour les yeux, puis quand tu... Tu te coupais une citrouille, là? Je coupais une citrouille avec mes doigts, ouais. Ouais, dans ta tête, parce que je te pas vois clair. Pas faire ça pour vrai. Non. Est-ce que tu as encore pas mal de citrouilles de tes recettes de Master Steph? Ben oui. Ouais. Est-ce que ça va être encore ça cette semaine? Ouais. Oh. Non, spoiler. Je sais pas. On commence ce bloc-ci avec le palmarès, la liste en fait des inventions de cimetières les plus bizarres à travers l'histoire. Des inventions de cimetières. C'est bizarre, dit de même, hein? Mais je te jure que ça a du sens, c'est vrai. C'est, j'invente rien. Je pensais que ça stagnait depuis plusieurs années. Non. Hey, on a innové, toi, mais à travers l'histoire. Donc, il n'y a pas grand-chose de récent là-dedans, tu vois. OK. Pendant des siècles, donc, l'humain était préoccupé par ce qui arrivait à notre corps après la mort. Hein. Donc, le résultat, ben, c'était un paquet d'inventions qui essayaient de rendre nos tombes plus sécuritaires, plus solides et, dans plusieurs cas, échappables. Échappable, Steph. Certaines de ces innovations sont pratiques, d'autres sont bizarres ou même épeurantes. Donc, commençons par l'alarme de cercueil. L'alarme de cercueil. L'alarme, elle apostrophe, pas elle a l'arme. Oh, oui, non. Donc, moi, je comprends quand tu parles. L'alarme de cercueil, donc à l'époque victorienne, on avait peur d'être enterré vivant, plus oui, que la peur elle-même. Oui, mon Dieu, je comprends. Ben, c'est une de tes peurs, toi aussi. Donc, grâce au choléra et à d'autres épidémies et à des soins médicaux plutôt louches, le 19e siècle a vu plusieurs cas d'enterrement prématuré, si on veut. Donc, le remède à ce vrai problème était l'alarme de cercueil, le « safety coffin ». Ces appareils-là étaient surtout employés avec une cloche ou d'autres appareils qui faisaient du bruit et on pouvait immédiatement les manipuler. Donc, la personne à l'intérieur du cercueil pouvait manipuler cette clochette-là pour alerter ceux qui étaient au-dessus du sol. Plusieurs avaient aussi une porte qui laissait entrer l'air frais dans le cercueil, permettant donc à la personne, la victime enterrée prématurément, de respirer jusqu'à ce que la rescousse, l'aide, arrive. C'est spécial. Ça fait peur, ça. C'est du trop pas mal pour quelque chose qui devrait pas arriver. Non, c'est ça qui arrivait probablement rarement, mais assez pour qu'on en fasse un système d'alarme. Ben, peut-être pas, parce que je veux dire, il y a beaucoup de maladies où tu pourrais avoir l'air mort. Quelqu'un qui est dans le coma, là, puis que t'as pas les outils nécessaires pour comprendre ce qui se passe, tu peux penser qu'il est mort, il y a plein d'autres trucs, tu peux penser qu'il est mort, mais qu'il l'est pas. Mm-hmm. Tu sais, des paralysies, des fois, si tu te piques par un insecte très... Je sais pas si c'est venimeux ou vénéneux, je m'en souviens jamais. Ouais, il y a une différence entre les deux. Je m'en souviens jamais, mais bon, quelque chose de poison. Ouais. Puis que tu t'es paralysé, puis que ton pouls descend, ça existe, ça. Et voilà. Ça, c'est arrivé plus qu'on pense. Puis eux, en plus, c'est deux solutions, la clochette et l'air, pour être sûr. Parfait. C'est le fun, ça. Ensuite, toujours la liste des inventions de cimetières les plus bizarres. Un cousin a plus élaboré de ce système d'alarme-là pour cercueil. C'était les escape coffins qui étaient construits pour ceux qui étaient déclarés morts prématurément, mais qui n'avaient pas la patience d'attendre que quelqu'un d'autre vienne les sauver lorsqu'ils étaient enterrés. Donc, un de ces cercueils-là, breveté en 1843, avait un couvercle à spring, à ressort, qu'on pouvait ouvrir avec un simple et très, très léger mouvement de la tête ou de la main. Un autre exemple plus extrême était la Burial Vault. Attends un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc, un pompier nommé Thomas Purcell avait inventé pour lui-même et sa famille. Situé au Wildwood Cemetery à Williamsport, en Pennsylvanie, c'était une voûte ventilée qui pouvait être ouverte de l'intérieur par une poignée attachée à la porte. Purcell a été enterré dans cet engin-là en 1937, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas eu à se servir de son système de sûreté. Il est resté mort, le taquin. Ensuite, le Waiting Mortuary, donc le mortuaire attendant, donc en attente. C'était une façon pas mal plus pratique d'éviter l'enterrement prématuré. C'était l'idée d'un Français, mais perfectionné par les Allemands au début du 19e siècle. Les corps morts, donc les cadavres, étaient alignés à l'intérieur de ces murs-là et surveillés jour et nuit pour des signes de vivance. Des signes vitaux. Ou sinon de décomposition par une personne, une vraie personne qui était employée. Donc, des fois, il y avait des cordes attachées à des cloches attachées aux doigts et aux orteils des personnes qui étaient présumément mortes pour alerter le gardien qui était déjà peut-être en train de dormir pendant sa ronde. Puis s'il y a un coup de vent, là, t'es fourrant, maudit. Et en plus, on les voit qu'ils étaient vraiment sur des tables à la vue de tous et non pas dans des tiroirs comme on voit à la télé des fois dans les... Ouais, ça devait sentir bon là-dedans. Dans les morgues. C'est ça le mot morgue que je cherchais tantôt. Je ne l'ai pas trouvé pendant. Ah, OK. C'est morgue et non pas mortuary. Bon, la version française de mortuary, bref. Ensuite, les cercueils en d'autres matériaux plus solides. C'est l'inventeur Alan D. Fisk qui, lui, se foutait un petit peu de se faire enterrer prématurément. C'était plus le contraire, le problème, dans le fond, de pas rester assez longtemps, dans le fond, que ton cercueil pourrisse. Ah, ouais, ouais. Donc, lorsque quelqu'un mourait outre-mer et on transportait le corps, ça pouvait prendre des semaines avant d'arriver à son bon port. Donc, en 1848, il a breveté son cercueil. C'était en cast iron. C'est la même chose que les chaudrons. Là. C'est des... Fer forgé, je pense. C'est que pas des chaudrons. Non, on fait pas des affaires en fer forgé des fois. Ouais, pas des chaudrons. Plus comme des clôtures. Ouais. Donc, qui allait préserver les corps pendant une très longue période de temps. Similaire à un sarcophage égyptien, c'était des cercueils très bien décorés. Il y avait aussi des plaques dessus. C'était super beau. Là. Donc, on l'ouvrait et on pouvait révéler la face, le visage de la personne décédée par un panneau de vitre. Ah! Très bien fait. Ensuite, le cercueil réutilisable, toujours dans la liste des inventions de cimetière. Oui, donc en Autriche, l'empereur Joseph II était l'empereur romain de 1765 à 1790. Vers 1784, il se souciait tellement de l'intérêt qu'avait Vienne en la mort et les funérailles extravagantes. Et il y avait aussi un manque de bois et d'espace dans les cimetières. Il a donc amené une règle du cercueil réutilisable. Le cercueil de bois contenait une porte, une trappe en dessous, en bas du cercueil, et on pouvait, donc les corps étaient emballés dans des sacs, on allait discrètement les lâcher, les échapper dans leur trou, leur... comment on appelle ça déjà? Leur tombe. Ben, leur trou, là. Leur trou. C'est pas important, on sait de quoi qu'on parle. Vous savez quoi, il y a un mot pour ça. Donc, le cercueil, on faisait ça subtilement, dans le fond, on amenait le cercueil par-dessus le trou, on lâchait le corps sans que ça paraisse trop. Mais voyons donc. Et on ramenait le cercueil qui serait réutilisé pour d'autres funérailles. Donc, ça économisait du bois et ça accélérait la décomposition des morts à Vienne, vu qu'il manquait de place dans les cimetières. Donc, les Viennois, bien sûr, étaient outrés par cette invention et le cercueil a été donc retiré du marché. Ouais, ça devait pas être super populaire, hein? Pas tant. On continue avec le Mortsafe maintenant. C'était au début du 19e siècle. Les voleurs de tombes. Mm-hmm. Il y avait des voleurs de tombes qu'on appelait les Resurrection Men. Ils se promenaient partout au Royaume-Uni dans les cimetières pour trouver des corps morts frais pour les vendre à des écoles médicales. Oui, frais. Ils vendaient ça à des écoles médicales. Donc, le problème était particulièrement grave en Écosse. Donc, il est arrivé le Mortsafe, une grosse cage de sûrement fer forgé, comme tu as dit tantôt, ou encore de pierre, placée par-dessus les tombes pour empêcher le vol. C'était placé donc par-dessus la tombe pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que les voleurs perdent l'intérêt complètement de voler le corps. Ensuite, on amenait la pierre ou le fer forgé à une nouvelle tombe. Même cette pratique-là, la pratique de voler des corps a disparu avec l'Anatomy Act de 1832 qui donnait aux écoles médicales une façon légale d'obtenir des cadavres pour leurs études. Mm-hmm. Donc, les Mortsafe ont survécu pendant plusieurs décennies après ça. Mais c'est terrible! Oui, hein? Et on termine avec le Coffin Torpedo, la torpille de cercueil. Lorsque les incidents de vol de corps ont augmenté après la guerre civile aux États-Unis, les Américains avaient une façon plus explosive de protéger les tombes avec la torpille de cercueil. Faisait exploser le cercueil. Ben, contrairement à ce que le nom nous porterait à croire, la torpille de cercueil était une arme à feu modifiée qui tirait des balles de plomb lorsqu'il était activé par l'ouverture du cercueil. Mais voyons donc. Ou encore, il y avait un appareil qui ressemblait à une mine, comme les mines sur lesquelles tu te fais exploser à la jambe. OK, pas les mines de crayon. Non. Et ni pas, les mines d'or. Ni celle qui appartient à Mel, la mélamine. C'est ça, ah oui, la mélamine. La mélamine. donc, c'est ça, c'était sur le cercueil et c'était détonné lorsque la... Bon, en fait, si, dans le cas échéant, si on touchait à cette... C'est quand même un peu cercueil. Violent, là. C'est comme de dire... Si tu vas au magasin, je vais te couper la main. Genre? Je trouve que c'est un petit peu intense. Mais sont de même. Sont de même, des fois. Ça, c'était aux États-Unis, en plus. Voilà pour cette liste des drôles de choses dans les cimetières. Je pense qu'on va arrêter là un petit peu. On va arrêter là un petit peu. Je vois David Ferron à l'extérieur. OK. Ouais, ouais. Alors, on va entendre une autre pièce qui me rappelle un peu l'Halloween. C'est l'épave trouée de choses sauvages. Oh! Exemple pirate, Johnny Depp. Genre. J'sais pas, okay. J'imagine David Ferron déguisé en Johnny Depp. Ça me fait peur. Ça me fait pas peur. Non. C'était l'épave trouée de choses sauvages à l'assemblage requis. On reste dans son petit palmarès parce qu'on est confortable là-dedans jusqu'à maintenant, je pense. Ben oui. Ça va très bien. Et on a quelque chose de spécial un petit peu là pour terminer ce segment de liste sur un sujet précis. On va y aller avec une liste. On les écoutera pas nécessairement au complet, on les écoutera pas nécessairement en toutes, mais je trouvais que ça valait la peine d'aller regarder un petit peu la liste selon Mental Floss des chansons d'Halloween pour vous mettre dans une ambiance un petit peu plus épeurant. Tu sais, on est lundi en ce moment, nous ici en direct, et l'Halloween, c'est vendredi. J'ai pas l'impression que c'est vendredi. J'ai l'impression que c'est super loin encore, dans deux semaines, genre. Ben, ça change rien, c'est pas comme si tu passais l'Halloween. Non, c'est ça, c'est pas comme si tu passais l'Halloween, mais c'est important quand même de se mettre dans l'ambiance un petit peu. Donc, on va oublier les classiques, là, le Monster Mash, Thriller, la chanson Ghostbusters. Uh-huh. Un peu trop facile, tout le monde parlerait de ça, tout le monde ferait jouer ça, c'est vraiment rien d'original. On est là pour être vraiment, tu sais, comme une coche au-dessus de ça. Donc, nous, on va écouter du Fresh Prince pour commencer. Hein? Ah oui, Will Smith avec A Nightmare on My Street. Sur l'album de 1988, He's the DJ, I'm the Rapper. Écoutez la mélodie, voir. Juste pour si la mélodie vous dit quelque chose. Now I have a story that I'd like to tell about this guy you all know. Oh mon Dieu! He comes to me at night after I call into bed. He's burnt up like a Town Called Bel Air. C'est pareil. Ta gorge, toi, t'arrêtes de chanter. Ça s'est rendu jusqu'au numéro 15 du Billboard Hot 100. Le duo voulait créer une chanson pour le futur film A Nightmare on Elm Street, mais malheureusement, ils n'ont pas reçu l'autorisation par New Line Cinemas, qui avait le droit d'auteur sur les films. Mm-hmm. Et la chanson donc, a fait que Will Smith et Jeff Towns ont été poursuivis pour la création de cette chanson-là parce qu'elle était sur leur album en tant que tel. Un vidéoclip qui avait été créé a dû être détruit complètement. Et plus tard, on a fini par arranger ça hors de toute cour américaine. On a fait ça à l'amiable. Ils ont réussi à s'entendre. Dommage, ça avait tellement de potentiel. Tellement. Si la chanson thème de Fresh Prince avait du potentiel, celle-là qui est la même en a aussi. And this girl named Nancy, but word when it was over, I said, yo, that was death. And everything seemed all right when we left. But when I got home and laid down to sleep, that began the nightmare on my street. C'est fantastique. J'ai envie de l'écouter au complet. Mais bonne! On écoute le reste. Certain. In my room like an oven. My bed soaked with sweat and man, I was bugging. I checked the clock, it had stopped at 12:30. It had melted, it was so darn hot and I was thirsty. I wanted something cool to quench my thirst. I thought to myself, yo, this heat is the worst. But when I got downstairs, I noticed something was wrong. I was home all alone, but the TV was on. I thought nothing of it as I grabbed the remote. I pushed the power button and then I almost choked when I heard this awful voice coming from behind. It said, you are the living metal and now you must die. Man, I ain't even wait to see who it was. Broke outside in my drawers and screamed so long, cuz got halfway up the block, I calmed down and stopped screaming. Then thought, oh, I get it, I must be dreaming. I strolled back home with a grin on my grill. I figured since this is a dream, I might as well get ill. I walked in the house, the big bad Fresh Prince, but Freddy killed all that noise real quick. He grabbed me by my neck and said, here's what we'll do. We got a lot of work here, me and you. The souls of your friends, you and I will claim. You've got the body and I got the brain. I said, yo, Fred, I think you got me all wrong. I ain't partners with nobody with nails that long. Look, I'll be honest, man, this team won't work. The girls won't be on you, Fred, your face is all burnt. Fred got mad and his head started steaming. But I thought, what the hell, I'm only dreaming. I said, please leave, Fred, so I can get some sleep. But give me a call and maybe we'll hang out next week. I pat him on the shoulder, said, thanks for stopping by. Then I opened up the door and said, take care, guy. He got mad, drew back his arm and slashed my shirt. I laughed at first and thought, hold up, that hurt. It wasn't a dream, man, this guy was for real. I said, Freddy, it's been an awful mistake here. No further words, and then I darted upstairs. Crashed through my door, then jumped on my bed. Pulled the covers up over my head. Said, oh, please do something with Fred. He jumped on my bed, but through the covers with his claws, tried to get me. But my alarm went off and then silence. It was a whole new day, I thought. I wasn't scared of him anyway, until I noticed those rips in my sheets, and that was proof that there had been a nightmare on my street. Come on, Jeff, answer! Come on, man. Hello? Jeff, it's Prince, man. Jeff, wake up. Jeff, wake up. What do you want? Jeff, wake up, man. Listen to me, Jeff. It's 3 o'clock Jeff, in the morning. What Jeff, do you would want? You listen to me? Whatever you do, don't fall asleep. Man. Le Fresh Prince et DJ Jazzy Jeff avec Nightmare on My Street. Mon nouveau classique. Tellement, tellement bon. Will Smith, c'est comme je dis sur la bombe, DJ, I'm the Rapper. Le clip, en fait, pas le clip, parce que le clip a été détruit, on l'a dit tantôt. Mais la chanson est sur assemblagerequis.com. On est dans la liste des chansons pour vous mettre dans l'ambiance de l'Halloween. Je pense qu'on va continuer avec un petit peu de Jumpin' Gene Simmons. Oui, pas le bassiste de Kiss, mais plutôt un chanteur rockabilly qui a déjà ouvert pour Elvis. Just moved in my new house today. Haunted House is sorti en 1964. Moving was hard, but I got squared away. Bill started ringing the chains right now. Pourquoi j'ai pas peur? I knew I'd moved in a haunted house. C'est pas parce que ça dit Haunted House. Still made up in my mind to stay. Il me semble que ça sonne comme toutes les autres tunes de 1960. The Rockabilly, oui, 1960. Halloween Spooks par Lambert, Hendrix and Ross. C'est du jazz d'Halloween. Du jazz d'Halloween? On va voir. C'est vrai que le jazz, ça me donne des frissons. Halloween, go sleep things are gonna happen. C'est donc bien le truc le plus bizarre que j'ai entendu de ma vie. Ouais. Et ça sonne comme exactement toutes les autres tunes de jazz. Non, mais la petite voix en arrière. Oh my God. C'est pas mauvais. Non, j'aime vraiment pas le jazz. Ensuite, on va écouter Werewolf Bar Mitzvah par notre ami Tracy Jordan, l'humoriste américain. My key to the city of Gary, Indiana. Look at this, my gold record from that novelty party song. Aw, man, Trey, look up at the sky. It's a full moon on the Sabbath. This is scary. Break it down. I was working late on my Haftorah when I heard a knock on my bedroom door. I opened it up, and to my surprise, there was a werewolf standing there with glowing gold eyes. He says, tomorrow, my son, you will be a man. But tonight's the time to join the Wolfen Clan. Tomorrow you will stand at the beamer and pray. But tonight, let's gaze at the moon and bathe. Werewolf for mitzvah, spooky, scary. First becoming men, men becoming wolves. Werewolf for mitzvah, spooky, scary. Boys becoming men, men becoming wolves. All right, that was great. C'est vraiment, c'est devenu un classique culte avec le temps. C'est dans la sitcom 30 Rock, que vous connaissez peut-être. Fait intéressant, c'est que Tracy Jordan a reçu un disque d'or pour cette chanson, qu'on appelle une novelty party song. Ouais. Tracy Morgan a fait seulement une partie des voix, par contre. Le reste a été fait par Donald Glover, qui joue Troy dans l'émission Community. Ah. Et donc, ils ont fait une version plus longue de Werewolf Bar Mitzvah, mais quand ils ont terminé la chanson, il y avait terminé et il n'y avait plus accès à Tracy Morgan, qui était passé à autre chose. Donc, le créateur de 30 Rock, la créatrice, pardon, Tina Fey, a dit à Entertainment Weekly que la moitié de la chanson, c'est juste Donald Glover qui imite Tracy Morgan. C'est vraiment spécial comme concept. Ensuite, on écoute John Zuckerly avec Dinner with Drac, comme dans Dracula. C'est l'animateur de télévision de fin de soirée d'émission d'horreur qu'on appelait à l'époque le Cool Ghoul, qui a sorti cette chanson-là en 1958. A dinner was served for three at Dracula's house by the sea. The hors d'oeuvres were fine, but I choked on my wine when I learned that the main course was me. Ouh, le plat principal était moi. Ça, j'aime bien. Ça fait Halloween pas mal. Halloween? Non. Non. Non. Faut que t'écoutes les paroles, vraiment. C'est ça, c'est ça. Peut-être qu'on, va avoir voyons, plus de chance avec The Werewolf Watusi par Bobby Boris Pickett. Now gather round, kiddies. I'll tell you something juicy about this dance you call the Watusi. Ah, ben ça c'est lié. Something new? Hein? Well, that's not so. Ah, ok. It all really started 400 years ago. C'est une chanson inspirée par le succès du Monster Mash. Ça, là, ça sonne pareil. Back in 1565. Ah, we were swaying to the music of Lawrence Wolf and his bubbly bloodthirsty jive. 23 skidoo. J'aime bien celle-là. Monster Mash qui est sorti en 62. Celle-là, le Werewolf Watusi, est sorti en 1963. Et il paraît que ça dit qu'il a fait aussi une chanson de Noël, Monsters Holiday. Tu veux l'entendre? Ben, je suis vraiment très curieuse. On l'écoute à l'instant. On n'attend pas à Noël. Non, ça, c'est facile de faire Noël. It was the night before Christmas when all through the castle. Ça sonne tout pareil. On dirait même pas qu'ils chantent. Oh non, non, non, non. The tree was all trimmed in ghoulish things. Tu rajoutes des cloches sur une toune de monstres d'Halloween, ça fait une toune de Noël. Il y a quand même un accent prononcé, là. Ouais, ouais. Didn't act like good monsters. A Christmas. J'adore ça. On écoute Bing Crosby maintenant, le célèbre Bing Crosby, ah. The Headless Horseman, un classique du court-métrage de 1949 de Disney, The Legend of Sleepy Hollow. Man, that's pure spooky, yeah. Now gather round while I elucidate on what happens outside when it gets late. Long about midnight, the ghosts and banshees get together for their nightly jamborees. There's ghosts with horns and saucer eyes and some with fangs about this size. Some short and fat, some tall and thin, and there's some don't even bother to wear their skin. Oh, I'm telling you, brother. Il fait juste parler tout le long. See what goes on in the night. On va les voir plus tard. C'est... Ah ouais. Il va peut-être continuer à parler même si la musique joue. Peut-être. Ouais, il continue de parler, ouais. C'est vraiment une chanson? Unless you're careful, he'll get yours. Don't think he'll hesitate a bit, 'cause he'll clip your top. Mais je savais pas que Disney avait fait c'est un court-métrage, c'est ouais. ça? En fait, je crois que c'est l'origine de Sleepy Hollow, ça devait être là, non? À moins que ce soit dans des livres. Non, mais... ça a dû être raconté avant. Sûrement, voyons sûrement. Donc, Disney, inventait pas d'histoire. Non, t'as raison, c'est vrai qu'il faisait juste copier les autres et modifier les fins pour être correct pour les enfants. Mais ça me surprend qu'il ait fait justement un court-métrage Sleepy Hollow, c'est quand même pour les jeunes, mais c'est quand même quelque chose d'effrayant, là. Mmh, ouais. On s'entend juste l'image qu'on voit, c'est... Il y a un petit poney d'effrayé, là. Mmh. Je trouve ça triste. Mais chanson particulière, je dirais. Ensuite, une chanson qui parle de citrouille, c'est Pumpkin Pumpkin par Rosemary Clooney en 1950. I've got a friend who's big and round and oh so jolly gee whiz. Lend me your ear and you will hear just who this fellow is. He's Punky Pumpkin, the happy pumpkin. Happy all the day, and his great big smile will chase your cares away. Chase them away, away. Punky Pumpkin, the happy pumpkin, never wears a frown. You can see that he's cut out to be a clown. Oh, what a clown is he! The candlelight inside him makes his eyes light up and gleam. They shine right through the window at you for a happy. Hey, ça ressemble tellement à une chanson de Noël, ça, non? De Noël? Ben oui, si je recule juste un petit peu ici. Là. Ben oui. C'est juste... Moi, ben elle a dit Halloween. C'est ça, si elle a dit Halloween, c'est que c'est une chanson d'Halloween. Il n'y avait pas de clochette. T'as raison. Excuse-moi, je sais pas à quoi je pensais. We wish you a merry Halloween. We wish you a merry Halloween. We wish you a merry Halloween. And a happy Halloween. Oui. tu te rappelles du groupe Hungo Bongo, non? Non. C'est eux qui faisaient Weird Science. Tu sais la tune Weird Science, non? Mais ils ont aussi fait Dead Man's Party. Oh, ça, c'est dans les années 80. Oui, 85. 86, pardon. Oh, c'est bon les années 80. C'est vraiment très très bon et ça me rappelle leur autre chanson. J'ai envie d'en entendre un bout, là, Weird Science. Là, c'est trop bon. Si garde-toi. Weird Science. YouTube a de la misère cette semaine, mais. Ça dit quelque chose? Non, mais non. C'est bon. J'adore. En tout cas, mais celle-là, c'est pas de l'Halloween, c'est juste Weird Science, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, on continue avec The Bryan Sisters, c'est The Boogie Woogie Man, toujours dans la liste des chansons d'Halloween moins connues. Boogie Woogie. C'est un trio de jeunes sœurs populaires dans les années 30 et 40. Better watch out, someone's about haunting the town with new kinds of rhythm. You may meet. C'est Betty, Doris et Gwen qui ont enregistré The Boogie Woogie Man avec le Willowsbourne Orchestra en 1942. C'est intéressant ça. Ouais, j'aime bien ce style-là quand même. Ensuite, le classique, pas le classique pour sa chanson, mais le classique chanteur Louis Armstrong a fait une chanson d'Halloween. Skeleton. Le gars qui a marché sur la lune. C'est drôle. Skeleton in the Closet. En 36, pour le film Pennies from Heaven. And goblins always hang out. One night, they threw a party in a manner a la mode. And they cordially invited all the gang out. Oui, chante. Ouais, chante. Had a dark, bewitching hour. Est-ce qu'on avance encore? On avance. On dirait les origines du slam. When he tried to do the bumps, you never heard such an earthly laughter or such hilarious groan. When skeleton in the closet rattled his bones. Encore une fois, c'est sur la trame sonore du film Pennies from Heaven, dans lequel Louis Armstrong jouait le rôle de Henry. Henry. Oh, Henry. Intéressant, ça. Il y a un animateur de jeux télévisés, Bert Convy, qui a aussi fait une chanson d'Halloween. Ah oui? C'est The Monster Hop. C'est lui qui animait Fais-moi un dessin dans les années 80. Pour vrai? Avant Yves Corbeil. Bien avant, c'était le prédécesseur de Monsieur Corbeil. Stopped, I nearly died of fright. By the dim candlelight, I saw the strangest sight. There was Frankenstein and Dracula and Wolfman too. Dancing with some zombies, what a ghastly crew. Viola the vampire was doing the bop, and everything was rocking at the monster's hop. Ça aurait pu devenir un classique, celui-là, quand même. Oui. Quand même pas mal. Bert Convy, The Monster Hop en 58. Ah, évidemment, celle-là, c'est un classique. Si vous vous rappelez, à l'époque, en 2010-2011, j'animais Assemblage requis avec un certain François-Olivier Marchand. Et à chaque année, c'est-à-dire les deux fois, on jouait Dead Man's Bones et My Body's a Zombie for You. En fait, c'est un duo composé de Ryan Gosling, oui, l'acteur, et Zach Shields, qui se sont rencontrés en 2005, alors que Gosling sortait avec Rachel McAdams et Shields sortait avec sa sœur. À lui ou à l'autre? À elle. À Rachel McAdams. À elle. Ah, OK. En fait, je pense que je vais la garder. On va la jouer au complet à la fin. Ça sera encore mieux. Parfait. Ouais. On va terminer avec les deux dernières. On a Buddy Baker qui jouait Grim Grinning Ghosts. C'est la chanson qui joue pendant le manège Haunted Mansion de Disney. Évidemment, à Disney. Ça, c'était peur, hein? Mais ça. When the crypt doors creak and the tombstones quake, spooks come out for a swinging wake. Happy haunts materialize and begin to vocalize. Grim grinning ghosts come out to socialize. C'est cœur, hein, ça? Ouais. J'adore ça, c'est très bon. Buddy Baker, l'image sur YouTube, c'est une citrouille avec Snoopy couché dessus. C'est cute. For a silly spook may sit by your side. Shrouded in the damp disguise. They pretend. And ghosts come out to socialize. Et une dernière, c'est on l'a écouté un petit peu précédemment dans la liste, c'était Rosemary Clooney qui avait fait Pumpkin Pumpkin. Elle en a fait une autre. Ah! Elle a fait Wobblin' Goblin. Je pense elle aime les rimes, hein? Ouais. Un peu. There once was a sad little goblin who had a broken broom. When he went anywhere, it would wobble in the air and his heart would fill with gloom. He tried so hard to fix it every night, but he just couldn't get it working right. The wobbling goblin with the broken broom could never fly too high. C'était le B-side, le côté renversé de son extrait Punk. Le renversé. Punk. Moi, j'appelle ça le renversé. C'est comme un gâteau renversé. Mm. Donc voilà, on va retourner à Dead Man's Bones, notre 13e pièce. Je pense que c'est un classique. On n'a pas le choix de le jouer. On rend ça, on joue ça en l'honneur de François-Louis Marchand. C'est sur leur album d'octobre 2009. Voici Dead Man's Bones et My Body's a Zombie for You. Assemblage requis. Man's Bones, my body's a zombie for you, Steph. Ça veut dire que tu m'offres de te manger. Non, c'est toi qui es le zombie, donc tu m'offres de me manger, c'est ça? Mon corps est un zombie pour toi. Un zombie, ça mord les autres, donc c'est moi qui mordrais. Ça mange. Je pense que ce serait ça. Au retour, ça va être David Ferron et sa chronique « Les notes salées » à Sondage Rocky. Restez là. Ça, c'est fou. Quand on a faim, c'est épuisant, ça applaudit de même. Hein? Ouais, tu t'es pas habitué à faire de l'exercice comme ça? Drôle. Non, je sais. C'est pas mal drôle. Ah, je sais. T'es une vraie Lise Dion. Trouves-tu grosse? Fou d'exploration. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Yeah! Wow! Attention! Je peux faire ça, t'as vu? J'ai le pouvoir de faire ça. J'ai tous les pouvoirs, moi. C'était vraiment horrible. Oh yeah! C'est quoi ça? Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage requis. C'est l'émission matinale en pièces détachées. Stéphanie Paradis est le nom et prénom que lui ont donné ses parents. Oui, Mathieu Tousignan-Plante et le nom et nom de famille, prénom et nom de famille que lui a reçu. T'en as-tu un autre, en fait? Parce que tu dis que c'est le nom que j'ai reçu à la naissance. Il y en manque quand même un bout, là. Il en manque un petit bout. Est-ce que tu veux dire en nom? Non. Toi, moi, j'ai aussi le prénom de mon oncle. Tu sais, c'est tout le temps Jean-Joseph. C'est Joseph-Serge Mathieu Tousignan. Serge Tousignan. Serge Tousignan. Donc, Stéphanie Paradis, Serge Tousignan, voilà. Ce matin, pour vous. Super. Tu sais, je pourrais, vu qu'elle va rire de moi, je pourrais le dire son deuxième nom en nom, mais elle veut pas parce que... Ouais, mais moi, c'est moins gênant. Elle a introduit le sujet elle-même, puis elle veut pas le faire. Tu peux le dire, ça me dérange pas. Ça t'en souviens pas, hein? Ouais, je m'en souviens. Ah, ça souviens? David Ferron. As-tu un autre nom, David Ferron? À part Marie Melon puis Gustave, ça compte pas, un vrai? Ben, vous pouvez m'appeler Jerry parce que, en fait, mon nom de belle-sister, c'est David Gérard Joseph Gélina Ferron. Jerry! Jerry, j'aime ça! Un garagiste, on dirait. Non, un gars qui ramasse du sucre d'érable. Peut-être. Pas qui ramasse du sucre d'érable, qui le fait. Peut-être. Un rembourreur, je trouve, aurait un nom de Jerry des fois aussi. Un rembourreur, ouais, peut-être. Plein de noms, plein de travaux. Ben oui. De postes. Non, un exterminateur. Jerry. Hey, parlant d'exterminateur, tu sais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une souris chez nous. Arrête donc, comment ça se passe? Dans mon appart. Ton bel appartement tout neuf. Ben tout neuf, il est pas neuf l'appart. Ben, il est beau. Hein, ouais, il a fait le saut. Mon chum qui me cale. Steph! Mais moi, tu sais, je fais comme... Fait que j'ai pas de temps obtempéré. Ouais. Mais il y avait une petite souris qui était jockey dans les airs, puis elle s'est sauvée, puis on sait pas ce qu'elle est. Who you gonna call? Mouse Busters! Eh ben, wow! Pauvre Steph. Là, j'ai dit... David, il dit après le chat, tu sais, chat, va manger la souris. Mm-hmm. Mais tu sais bien que mon chat... Fait que moi, j'ai dit, on pourrait lâcher le serpent. Parce qu'il mange des souris. Ah ouais. Il dit, ouais, mais tu sais qu'après, il y a le problème de retrouver le serpent. Ah, il y a ça. Mais c'est une clochette. Une clochette après la queue. À ton chum, non, je veux dire au serpent. Pour toi. Pas le perdre d'un bois, quelqu'un va essayer de pogner la souris ou le serpent. Okay. Bon. Assez parlé de grosses clochettes. on va accueillir David Ferron. Bonjour Serge. Salut Jerry. Comment ça va? Ça va très bien toi. Bonjour Stéphanie. Allô. Yeah. C'est la seule qui s'en sort indemne. Voici pour l'instant les notes salées. Ouh! La soupe en canne, pas de la canne en soupe. C'est vraiment bizarre de dire ça. Pourquoi je dirais ça? Parce que c'est de la soupe en canne. Surtout la Saint-Hubert est vraiment trop salée. Look at my nuts! C'est le David Ferron. Plus ça va, plus que je tarderai à chaque fois que tu l'as fait. C'est ridicule. Faudrait que je vienne à toutes les semaines. Parce qu'en plus, je suis dyslexique. Ça serait le fun que tu viennes à toutes les semaines. Fais juste venir en général une fois de temps en temps, comme maintenant. Oui. C'est déjà un bon début par rapport à d'autres. Oui. Donc, David Ferron, les notes salées où tu nous présentes un coup de cœur et un coup de haut-le-cœur. Un coup de cœur et un haut-le-cœur. Oui, D'habitude. D'habitude. Mais moi, je sais pas. Moi, je t'ai introduit la chronique comme je l'introduirai toujours. Après ça, si tu veux me dire non, pas cette semaine, c'est à bon escient comme tu y veux. Non, c'est pas cette semaine, c'est à bon escient comme tu veux. Oh, est-ce qu'il y a un perroquet dans le studio? Il y a un perroquet dans le studio? Y'a-tu un perroquet dans le studio? Je pense qu'il y a un perroquet dans le studio. Est-ce qu'il y a un perroquet dans le studio? Oh, je veux un biscuit. Je veux un biscuit. Est-ce que c'est un nouveau personnage de David Ferron? Non, c'est un nouveau personnage de Jerry. Ah, Jerry, excuse-moi. C'est un David Ferronquet. Un ferroquet. Ah! C'est bon, hein? Ah, Seigneur, il va mettre ça dans les meilleurs moments de la semaine. Ben non, je suis pas traite demain, franchement, oui, non. Ben, en fait, vous saviez que hier, c'était le gala de la disque? Ben, on m'a dit, oui, que c'était le gala de la disque. Un interminable flattage dans table dans le dos de, pendant 3 heures. Hein. Et là, Marie Melon, c'est une fan d'un groupe elle que elle a pas gagné. Non, mais... Les sœurs Melon, c'est pas ça? Non, il y a juste une seule Marie Melon. Oui. C'est la triplette anciennement siamoise de David Ferron avec des petites mains thalidomides à la place des seins et des petites tétines à la fin de chaque doigt. Pour nourrir sa portée de chat. On le rappelle à chaque semaine. Et là, je pense qu'on l'a via satellite en direct avec nous en studio. Je sais plus si c'est avec nous. En studio. Hein? Allô? Allô? Ça va bien, Marie Melon? Ah oui, vous deux. Ouais, t'es un peu mon gars, là. Oui. Faut pas y dire en pleine face, elle a un problème. En pleine face, elle est pas là, t'as dit qu'elle était là par satellite. C'est ça, j'ai dit, mais son psychologue nous a dit que même par satellite, elle peut comprendre nos émotions. Mon psychologue, il est tellement mignon. Comment? Yahoo? Ton psychologue, il s'appelle Yahoo. Je ne sais pas, j'ai dû un psychologue, moi. Puis t'as un médecin nommé Bing, j'imagine, et un... et un podiatre nommé Google. Oui, puis j'ai aussi un ami qui s'appelle Webcrawler. Oh wow, puis est-ce que t'as aussi un Lycos, puis un... Ah, c'est quoi l'autre? Attends un peu, c'est quoi celle-là? Qui a un long nom, tu sais, là? Je sais même pas quoi tu fais. Ça s'appelait... laisse faire. Puis j'ai aussi un politicien qui s'appelle Toile du Québec. OK, ça va faire. Donc... oh boy, pour cette date, celui-là? Un petit peu, hein? On t'a avec nous via satellite. Ça nous coûte cher, la minute. Donc, dépêche-toi. Dépêche-toi, accélère la cadence. Donc, c'est un hommage aux sœurs Boulay que j'adore. J'ai fait une chanson en pensant à elles. À elles au pluriel, je me souviens. Oui, les sœurs Boulay. Okay. Ça commence comme suit. Là... Là, là, j'ai essayé de trouver ton nom dans les alphabets, mais je suis analphabète. Alors j'ai essayé de trouver dans les soup Campbell alphabets, je sais pas plus lire. Pis David a des pucerons sur son lit. Bon, merci Marie-Lamelon, merci. Je sais pas pourquoi j'ai tassé le micro pour mieux voir David. Je vais le remettre devant. Bon, ben, non, Marie-Lamelon, en passant, mon lit est très propre. Je tiens à rassurer les auditeurs. Toi, Marie-Lamelon, cache-toi. Merci. Ah, on a perdu le lien satellite. Je pense que c'est David qui a un petit peu... Oh, là, je traverse un tunnel. Je te perds. Mais non, j'ai pas fait ça intentionnellement. Oh, non. Non. David Ferron, donc heureux de te revoir pour parler un petit peu. En fait, je pense qu'on va jouer à quelque chose tous ensemble. On va jouer aux fesses. Non, est-ce que le buzzer de notre quiz va être chacun des mamelons virtuels? Un des mamelons de Marie Melon. Mais en fait, c'est pas très audible. Ça prend de quoi de plus ostentatoire? Ils ont pas chacun leur son. J'aimerais ça qu'ils aient chacun leur son. Jamais essayé, ça me gênerait trop. Bref. Non, je te laisse faire. Un quiz sur quoi, David? En fait, vous savez, il y a plein de tunes qui jouent dans les autres stations qu'on ne nommerait pas. Oui. Donc, vu que c'est l'Halloween... L'Halloween? L'Halloween. Oui, c'est l'Halloween. Oui, Bing, comme dans Bing. Oui. Il y a camping. Ah oui. Ben oui. Comme dans Pudding. Parking. Clean, des yeux. Comme dans Modeling. En tout cas. On disait... Donc, c'est l'Halloween qui s'en vient? Oui, donc, pour vous présenter les chansons horribles et les chansons d'horreur qu'on entend à chaque jour dans les radios, okay. Il y a une origine. Oh. Et souvent, ces origines-là remontent très loin dans le monde ou dans le temps. Okay. Donc, le quiz, parce que Mathieu, tu vas être contre Stéphanie, et Stéphanie, tu vas être contre Mathieu. C'est qui, Mathieu? Ah oui, Serge. Oui, c'est vrai, Serge. Donc, Serge contre Stéphanie, Stéphanie contre Serge. Donc, c'est plus clair. Je vais faire jouer la toune d'origine et vous devez me trouver la chanson qui a été samplée ou qui a été popularisée. Il y a un échantillon d'une chanson qu'on connaît dans la chanson que tu veux nous faire entendre et on doit sortir l'artiste et la chanson. Oui, exactement. Ou juste la toune, ça va faire bien l'affaire. Donc, je vais commencer par le premier. C'est un classique de la chanson brésilienne qui s'appelle Taj Mahal. Oui, ça évoque quelque chose d'indien, mais c'est une toune du Brésil. Brésil, je confirme. Ils ont le droit d'aimer l'Inde, eux autres aussi. Ben oui, c'est juste pour montrer que je suis cohérent, dans le fond, pour que le monde. Pourquoi tu parles de l'Inde alors que tu parles de Brésil pour pas mêler les gens? Donc, c'est un classique de Jorge Ben. C'est la première fois que je t'entends dire que tu veux pas mêler les gens. Pour une fois, c'est l'Halloween, il faut faire exception. Donc, Taj Mahal de Jorge Ben, il faut me trouver quelle tune a été samplée à partir de ça. Parfait. Dès que vous la trouvez, vous allumez votre buzzer. Ça pourrait être long. C'est au début de la chanson? C'est plus, pas nécessairement au début tout à fait. As-tu du jus plus que ça dans ton... Merci. Il y a de la cloche à la vache. Là, ça s'en vient. C'est plus dans le refrain que ça va. Mais le petit pipeau en arrière me fait penser à l'île des plaisirs dans Astérix et les 12 travaux. C'est là. Ta gueule, Serge. Come on, baby, let me go. Je vais refaire jouer encore les dernières secondes. Ah, mais je suis pas bonne. Ah, moi non plus. C'est, vous voulez le savoir, je vais vous donner un indice. Ouais. C'est considéré la toune qui a samplé Taj Mahal. C'est considéré comme un des hits disco. Et le chanteur aurait chanté, je fais une traduction, « Ce soir, ce soir ». Oui, mais avec cet indice qui semble évident, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Tonight, tonight. Oui. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est ça ma réponse, donc je gagne un point. Donc, c'est « Do you think I'm sexy » de Rod Stewart. Ah, oui, mais oui. Ah? Ah, ouais. Rod Stewart? Rod Stewart. Oui. Bon, as-tu l'autre pièce? C'est l'original? Ben, je pourrais la faire. Pas l'original, je sais qu'habituellement, c'est un sacrilège, mais pour faire comprendre c'est quoi la pièce. C'est ça, vous l'avez déjà entendu, c'est tellement... Ouais, juste le refrain. Je vais essayer de la faire jouer. Je vais essayer de vous le faire, ça va être très, très relevant. Relevant? Oui, je fais comme des... Comme la sauce On VH. Va être jacké. Et t'as, je fais des anglicismes aujourd'hui, tu sais, c'est affreux, ça. Donc, j'ai essayé de vous trouver. Donc, c'est un succès. Puis, en fait, il y a eu une poursuite entre Rod Stewart Jorge Ben parce que, justement, ça a été samplé. OK, ça devait être assez évident comme ça, là. Mais ça joue tout le temps dans les radios. Vous êtes donc bien pas efficace. Ben, c'est quoi le nom de la chanson? C'est Do you think I'm sexy? Do you think I'm sexy? Je te sors ça. Yes, c'est Do you think I'm sexy? Je pense que je vais... Do ya, comme you, mais ya, comme dans le ya. Oui, oui. Je vais m'occuper des versions. Oui. Des versions. Ça va être plus facile, oui. Je pense, comme ça. Attention. Puis là, ça va être plus dans le refrain, mais là, vous allez l'entendre, ça va venir bientôt. C'est flagrant. Il se dandine tellement, Rod Stewart. Fait que là, c'est plus dans l'intro puis dans le refrain qu'on va l'entendre. Le couplet, on l'entend pas vraiment. Puis là, je suis sûr qu'on voit une super belle coupe de cheveux blé d'orge ou camute. Tellement. Cheveux camute. Ça se ressemble pas mal, là. Ouais, à part l'air. Mais c'est assez pour que Jorge Ben poursuive Rod Stewart. C'est assez générique comme rythme, je trouve. Quand ouais, moi, je trouve que... Là, on va réécouter Taj Mahal. Ouais, OK. Non, je m'en souviens parfaitement. Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, il n'y a pas le même petit instrument en arrière, puis... Mais c'est considéré quand même comme samplé, puis même Rod Stewart a ouvertement avoué que c'était samplé. Il a avoué ça? Oui. En fait, il l'a pas avoué parce que ce serait comme... Il trouve lui aussi que c'est copié. Ouais. Parce que le groupe aurait pu avouer d'avoir commis ce crime, mais Russell Wood n'a pas commis de crime. Ça, c'est l'original, c'est Rod Stewart. Non, Rod Stewart, c'est lui qui a samplé. Ah, c'est ça le oui. Ah, ouais, pour vrai. Ok, j'avais pas suivi ce bout-là, partout. Okay. Mais c'est ça que j'ai expliqué, comme quoi les chansons pop qui jouent à la radio d'autres compétiteurs. Okay, j'avais compris l'inverse, excuse-moi. Mais non. Ok, parfait. Mais c'est pas grave. Parce que la musique du monde. Il n'y a pas un groupe brésilien, Nowhere, qui va aller sampler Rod Stewart, puis s'en fout. T'as vu, ça. Ben, Jorge Ben, c'est considéré comme un gros nom de la musique brésilienne. Fais attention à ce que tu dis, Stéphanie, machin, truc, nom de famille, machin, truc, paradis. Mais peu importe, on s'entend que c'est Rod Stewart qui est le plus gros nom, là. Oui. Je veux dire, l'inverse est quand même moins possible. C'est sûr. Là, je vais vous faire jouer une autre tonne, et là, si vous la trouvez pas... Ouais, mais là, mets-nous des toutes qu'on connaît. Rod Stewart, tu connais pas ça, là? Ah! Mais je connais le nom, je connais pas les tunes. Mais là, bon, je vais vous faire jouer une autre tonne, puis là, c'est celle-là, je vous avertis, elle est pas évidente. Ben... On la trouvera pas d'après moi. J'avais de la vie. On va finir ça à 0-0, c'est clair. Mais sinon, je vais vous faire jouer les tunes. Puis si vous savez c'est quoi, mais tant mieux. Sinon, je vais vous le dire après. OK. On écoute ça. Mais c'est pas évident, celle-là. Encore moins que Taj Mahal. Là, on l'entend-tu le bout là, qui a été échantillonné? Fais-nous signe, fais-nous signe. Ah! Ouais. Il n'y a pas eu ce boulet dans une chanson genre de Rihanna ou je sais pas trop quoi. Oui! Je le savais. Ouais, oui. Mais moi aussi je l'entends. Oui. Je le trouve beaucoup plus évident que l'autre. Là. Ouais, ouais, c'est quoi le nom de la chanson? Hey, vous brûlez là. Pan de Ripon de Patapatante. Non. Non, l'autre. Ah! Mais je l'ai la toune, mais je connais pas plus le titre. Là. Ouais, on sait. Est-ce que ça peut faire un demi-point vu qu'on sait c'est laquelle? Mais bon, je vous accorde un demi-point chaque. Merci. Puis un autre demi-point parce que vous êtes attendrissant quand vous chantez mon intro. Donc, un point pour Stéphanie et Serge. Merveilleux! Donc, en fait, il y a deux chansons. OK. Il y a deux chansons. Peux-tu entendre celle qui n'est pas Rihanna, mais en fait, il y en a une que c'est Michael Jackson. Ah, je pense que j'aime mieux faire jouer du Michael Jackson en extrait que de faire jouer du Rihanna. C'est Wannabe Something Starting. J'avoue que je connais pas cette chanson-là de Michael Jackson, donc je sais pas où est-ce que ça aurait été pris. Où est-ce que le sample aurait été pris. Puis l'autre, Rihanna, c'est Please Don't Stop the Music. C'est à la fin de la toune. Oui, ah, oui, oui. C'est à la fin de la toune. Donc, c'est Manu Dibango qui est un quand même un grand saxophoniste, percussionniste. Donc, un saxophoniste. Manu Dibango qui a sorti Soul Makossa, qui a été un gros hit dans les années 70 et qui a été reprise par Rihanna et Michael Jackson, notamment, et qui se sont fait poursuivre par Manu Dibango. Oh! Hey. C'est à quel moment de la chanson, par contre? Moi non plus, parce que j'avoue que Wannabe Started Something, je la connais moins que Please Don't Stop the Music. Okay. Puis Please Don't Stop the Music, c'est à la fin. Ouais, mais ça, je vais te laisser la jouer dans ta propre maison. Ouais, non, habituellement, c'est rare qu'on fasse jouer du Michael Jackson ici. Si je peux trouver le bout. Ouais, hein, c'est ça, c'est le bout. C'est quoi le bout? Et on avance sous la voix de Michael Jackson. Ah! Ouais, je suis un petit peu méchant. Hey, pendant ce temps-là, j'ai demandé à Stéphanie c'est quoi son deuxième nom? En lui faisant des beaux yeux de biche. C'est Jessica. Oh! Je peux t'appeler Jeff? Non. Ah, je l'ai. Ah ouais, tu penses? Non, je le sais. T'as pas vu? Écoute. Rapport. Écoute. Rapport. Je vais dire rapport jusqu'à 4 ans que ça... Hey, c'est gênant, Michael Jackson qui joue sur ses coups. Ça reste parlé, ouais. Ça joue... Mais ça veut dire quoi, Mamassé, Mamakusa? Quoi? C'est une bonne question. Soul Makossa, en fait, c'est qu'on va entendre la pièce Soul Makossa. Faudrait que je trouve c'est quoi ça veut dire, Soul Makossa. C'est une bonne question. Jess. Bon, Mamassé... Soul Makossa. Mamassé, Mamassa, Mamakossa. Ah oui. Comment ça, hein? Pas pareil comme la toune de Rihanna. Ouais, donc, pareil. Dans ta tête, ça sonne pareil comme la toune. Non, mais c'est exactement ce bout-là qui a été samplé. Exact. Mais est-ce que tu penses qu'elle a samplé de la chanson d'origine ou est-ce qu'elle a samplé de Michael Jackson? Ah, peut-être, oui, ça serait le reverse, oui, peut-être. Donc, Manu Dibango, qui s'appelle en fait Emmanuel N. John K. Dibango, qui est un saxophoniste et chanteur camerounais. Cool. Spécialisé dans le jazz. Je m'excuse, Jessica, je sais que t'aimes pas ça, le jazz, mais il fallait que je précise pareil. Donc, on vient d'entendre, et j'en viens pas, je sais jouer du Rob Stewart puis du Michael Jackson, assez des fou. Des bouds! pas la pareil, les boudes. Pis c'est instructif parce que ça vous permet de faire écouter de la musique du monde. Et voilà, et voilà. Et là, l'autre, ça vient la. Puis en fait, là, on s'en va aux États-Unis, Broadway. Broadway. Oui, on s'en va au Broadway. Et là, je vais faire jouer la pièce If I Were a Rich Man, tirée de la pièce Fiddler on the Roof, ou encore, ben, c'est de quoi par rapport au violon? Violon sur le toit, je pense, je ne me trompe pas la version française. Ouais, la pièce de théâtre sur Broadway. Là. Donc, ça, c'est une pièce. Et là, il faut trouver quelle chanson pop a samplé. Et ça, c'est une toune des années 2000, c'est assez récent. Donc, je vais vous la faire jouer. Oh Lord, you made many, many poor people. C'est pas tout ça. I realize, of course, that it is no shame to c'est be poor. C'est pas ça. C'est pas le bout. C'est pas le bout. Non, ouais, ça, c'est de chaque... Tu dirais casser le bout au lieu de l'inverse. C'est pas le bout, ça non plus. What would have been so terrible? C'est bien un violon sur le toit en passant. J'aime bien laisser planer la suspense. If I were a rich man. C'est là. All day long I'd a-di-bidi-bum. Fini. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. C'est passé, hein? C'était avant ça? Non, c'est là. C'est ça, en ce moment? If I were a di-bidi-bidi-bum. Bon, je vais donner un indice. Cette tune-là, ça a été reprise par une chanteuse qui faisait partie d'un groupe d'origine ska-punk. Donc, c'est une chanteuse très blonde. Gwen Stefani. Oui. Quoi? Hein? Elle est tombée dessus dès le premier. Oui. Quelle tune, Steph? Je le sais pas. J'ai vraiment aucune idée. Aïe, aïe, là. Je vous laisse encore. La, la, la, la, la, la, la. J'essaie de donner les indices. Donc, Steph, je vais donner la tune. C'est Rich Girl de Gwen Stefani. Comment? Rich Girl, comme les filles riches. Ça me dit rien, cette chanson-là. Qui est quand même assez jouée. Bon, on va écouter Rich Girl. Ouais, mais j'écoute pas ça. Mais pas trop longtemps, OK? Pas trop longtemps. Non, non, c'est sûr. Pas trop longtemps, s'il vous plaît. Donc. On va avancer un petit peu. Ouais. Là, c'est la partie rap avec Eve ou je sais plus trop quelle ancienne. Non plus. Non. Ouais. OK. C'est ça. Ah. Ben oui. Ouais, un peu. Ouais, ça ressemble. Oh, ouais, ça ouais, peut ouais rappeler l'autre. Je sais pas si c'est vraiment exactement la même chose. Moi, je trouve que ça y ressemble beaucoup plus que la première de toutes qu'on a entendues. Wow, ouais. Ça c'est ça. Ouais, quand même. Et là, la dernière. Donc, je donne un demi-point à Steph. Donc, un et demi de point contre un pour Serge. Merci. Donc, c'est serré d'un demi-point. Génial. Et là, l'autre, c'est la dernière. Ah, un demi-point, ça veut pas être la différence? Ouais. Puis si ça arrondit, ça fait deux. Oui, c'est vrai. Exact. C'est pas la longueur des points, c'est la largeur des points. C'est tant que les scènes noires n'existent plus, on arrondit. Ouais. Donc, c'est 2-1 ou 1.5-1, c'est selon, mais... Ah. Le but, c'est de comprendre que Stéphanie, à date, celle qui gagne, peut-être qu'avec la dernière toune, ça va être décisif. Ça vient d'une toune d'un film bollywoodien, donc de l'Inde. Et les artistes, et là, c'est, je vais essayer de ne pas massacrer parce que c'est vraiment des longs à rallonge. Comme des fois, j'en mets dans mon top 5 musique du monde. Imprononçable. Oui, je sais, même moi, j'ai de la misère. Donc, c'est les artistes sont Lata Mangeshkar et S.B. Balasubramayam. Comme toujours. Oh, oui. Ouais. Un classique. Donc, la pièce s'appelle Térémer Beach Mean. Et vous allez le voir dans l'intro de la toune, il faut deviner quelle toune pop a samplé Térémer Beach Mean. Tu me passes ça, là? Oui. Tu me repasses ça, là? Oui. Là? Là. Oh, attends un peu. Je sais. Je sais. Ça sortira pas. Repars là. Ah. Oh, je le sais. Pas Rolling in the Deep, quelque chose comme ça. Attends. Oh, je sens que ça va être. Non, c'est du Britney Spears. Oui, Toxic. Un point chaque. Ben, mais c'est quand, même, c'est quand même moi qui lui ai donné la piste, là. Ouais, mais il avait dit que c'était le nom des tunes, il fallait dire. Ben, un des deux, en fait. Il dit un des deux. Ben, quoi que Stéphanie, t'as été en premier, ce qui fait en sorte que ça déclenche la réponse de chez Mathis. Donc, je suis obligé d'accorder le point à Steph. Je trouve que c'est donc, juste deux et demi contre un. Bravo, Steph, tu es la grande gagnante. Donc, bravo. On peut écouter une partie de la toune qui était Réméré Beach Mean de Lata Mangeskar et SB Balasubramayan. Bien sûr. Qu'est-ce que ça aurait pu s'appeler Serge Tremblay. Mais non, c'est pas grave, ça fait le charme. Comment? Ça fait le charme, un titre et des noirs à l'ombre. Mm-hmm. Et évidemment, on peut comparer avec Britney Spears un peu. Un peu. Moi, c'est juste le début. C'est tout, arrête ça là. Et quand je pense qu'on a fait jouer du Britney Spears à ça. Ça plus tôt! On va se tanner, hein? Dans les sons, il non, mais c'est spécial Halloween, faut qu'on mette de l'horreur. De la musique horrible. Ouais, ouais. Exactement. C'est ça le thème. Halloween, musique horrible. C'est trop long, Ouais, c'est grinçant. Mais je vois. Merveilleux, David. Génial. Donc maintenant, si vous écoutez une chanson qui joue dans d'autres stations, peut-être que cette chanson-là a été inspirée par une chanson d'un autre pays. Peut-être que vous allez faire des points, vous aussi. Mais il y en a tellement d'échantillonnage, ben je oui. dis, c'est sans arrêt. Sans arrêt. Oui, puis il y en a même que c'est des chansons du monde qu'on a déjà entendues à quelque part, qu'on connaît ou qu'on a déjà entendues, puis qu'on fait comme « Ah ben oui, ça y ressemble ». Oui, des fois, c'est des gens qu'on voudrait jamais réentendre, comme mettons Britney Spears. Ouais, pourquoi mais ça joue encore? Oui, pourquoi? Parce qu'on n'a rien de mieux à jouer. C'est quoi? C'est fou, là. C'est quoi? Vu que t'as rien à jouer, tu mets du Britney Spears. Ben non, d'abord, j'ai trouvé une toune. C'est pas parce qu'il y a un trou qu'il faut que tu le remplisses, c'est Mathieu. C'est exactement ça, Stéphanie et Jessica. Ah ben oui, j'ai une toune que je voulais faire jouer que tu fais jouer jamais. Que j'ai fait jouer jamais? Oui, que okay. Je voulais que tu joues. OK, ben joue ça, va. Hey DJ, turn the chair off! Ouais, Prêt! Je pourrais pas te faire ça. Sinon, c'est encore du Britney Spears qui joue, DJ. OK, il faut que je me dépêche. T'as encore ça, DJ? T'as encore Britney? T'auras pas de type. Ah ouais. Non, ça va pas bien. Ça va pas bien dans la vie. Donc, on va faire jouer Genero de Silva. Ah. Qui ressemble à du Peter Peter. Donc, moi, je l'appelle Pedro Pedro. Oui. On écoute ça, assemblage requis, c'est des notes salées. Você fingiu que nem ligou. Não debocha. Pedro. Non, c'est pas vrai. C'est Silva avec Janeiro. Malade! Dans Rio les... 2. Rio 2. Dans la chronique des notes salées de David Ferron, on te retrouve la semaine prochaine, lundi à 8h, pour une autre chronique, une note salée. Oui, puis je vais essayer de trouver un bon concept, là. Ben, j'espère. Si Marmelon est pas là, ça va bien se passer. Qu'est-ce que c'est? C'est une arme de torture pour que je vienne la semaine prochaine. Je pense que c'est ça. Aussitôt que tu vas entendre Toxic en onde, tu vas savoir qu'on a un besoin urgent de David Ferron. Parce qu'on est pogné pour jouer du Britney. Mais pourtant, t'as plein de tunes anglophones et francophones. Tu pourrais même jouer du Pierre Quandos aussi. J'ai absolument rien de tout ça, moi. C'est... Non, désolé. On revient dans deux minutes à la place. C'est fou, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours Assemblage requis, Stéphanie Paradis. Serge Tousignan. Merci. Ça va coller, je pense. Pourtant, ça fait plusieurs fois à travers les années que j'utilise. Mais là, toi, ça colle pas. Ça va coller. Ça colle. Je suis tout mêlé. Laisse donc faire. C'est pas grave. On a un trou là, ici à la fin de l'émission. Là. C'est soit on rejoue Toxic de Britney Spears ou bien on fait C'est un fait. Le choix est facile. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est Toxic. C'est toxique. Non, c'est vrai. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Et aujourd'hui, on fait un petit tour du monde rapide de différents endroits, différents pays, différents continents, je dirais. T'as-tu dit que t'étais un continent? T'es drôle. Donc, l'aéroport, oui, international. Le aéroport Kansai, le Kansai International Airport, c'est situé sur une île artificielle en plein milieu de l'Osaka Bay, au sud-ouest d'Osaka Station, et ça sert plusieurs endroits majeurs de l'endroit. Ça a ouvert le 4 septembre 1994 pour calmer un peu les problèmes. Il y avait trop de gens. Trop d'avions, il y avait trop la foule à l'aéroport international d'Osaka, qui présentement, de nos jours, s'occupe seulement des vols domestiques. Donc, en 2006, cette île complètement fabriquée par l'homme, a servi à 116 475 mouvements aériens. 73 860 étaient internationaux. Ils ont rendu service à 16 689 658 passagers, dont 11 229 000 étaient des clients internationaux. L'île a été terminée en 1989 grâce à 10 000 travailleurs, plus de 3 ans de travail. Il y a un pont qui a été construit en 1990 pour connecter l'île à la terre principale, si on veut, pour $1 milliard. Wow! Ce pont-là. Mais ça a quand même pris du temps, donc c'était en 90. Voilà. Puis on finit ça l'été passé, je pense. Je pense, c'est ça. donc, depuis la construction de l'aéroport, l'île a coulé de 8,2 mètres, étant donné le poids des matériaux de construction. Ah, ça, c'est fascinant. C'est cool. Ensuite, Sharon Stone a menti sur son quotient intellectuel. Mais ça m'étonne pas, le maudit con. Ben voilà. Dans les années 90, au début des années 2000, Sharon Stone maintenait, elle disait sans cesse qu'elle avait un quotient intellectuel de 148 qui faisait partie de Mensa International. Mensa qui est une des plus vieilles organisations de quotient intellectuel dans le monde. Donc le QI, le plus petit, le minimum requis pour entrer dans l'organisation est de 131. Sharon Stone disait depuis des années avoir 148 de quotient. Mais en avril 2002, elle a admis au monde entier que c'était pas son vrai quotient et qu'elle n'avait jamais fait partie de cette société-là. Donc, on ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Est-ce que c'était une cascade publicitaire? Est-ce qu'elle voulait avoir l'air plus intelligente pour avoir des rôles? On ne sait pas. Mais quelqu'un avec un quotient de 131 est considéré comme dans le 98e percentile de la population. Et être membre de ce groupe-là peut mener à des bourses d'études et à un statut d'élite dans la société. Ben, coudonc. Ben voilà, c'est une menteuse. Mais oui, de ça, les femmes mentent sur leur poids, pas sur leur quotient. On le voit quand ils sont calmes. Ça l'a arrondi, tu sais. Comme on arrondit le poids, puis on arrondit la grandeur. Ben oui. Je fais 4 pieds 10, non, je fais 5 pieds 1. Dans une entrevue avec Discovery Magazine, l'auteur Wade Davis parle de son livre Light at the Edge of the World. Et selon Davis, en 1950, non, pardon, dans les années 50, le gouvernement canadien faisait comme tout un mouvement contre le peuple inuit. Un peu comme le gouvernement américain maltraitait les Amérindiens, ben les Inuits étaient forcés à vivre dans des endroits repoussés, retirés, contre leur gré. Par contre, un Esquimau n'aimait pas ce principe-là et donc il s'est battu. Et pendant que sa famille avait accepté de vivre loin de tous, dans une petite place, ce qu'on appelle un settlement. Donc lui était contre cette idée-là. Il était tellement contre que qu'il a, dans le fond, sa famille s'était fait retirer ses outils. Parce qu'il pensait qu'il allait peut-être commettre un acte irréparable. Ah! Genre, il s'était fait retirer ses outils. Mais en plein milieu de la nuit, cet Esquimau-là est sorti de sa maison. S'est fait des besoins numéro 2 dans ses mains. Il a attendu que le caca gèle. Il s'est fait un couteau avec son caca. Ouais. Ah, c'est L'homme a tué et skinné un chien. Et après en avoir mangé un bout, il s'est fait un genre de sled. OK, pour pouvoir glisser, un genre de bobsleigh, genre, si on veut, avec le chien. Un traîneau. Ah, c'est bizarre! C'est raconté dans le livre de Wade Davis. Wow! Et un dernier, celui-là, je le trouve vraiment fascinant, c'est en 1795, Daniel McGinnis, un adolescent de la Nouvelle-Écosse, a rencontré une dépression dans le sol, donc un petit creux dans le sol. Un trou. Un nid de poule, je dirais plus un nid de poule. Donc, il est revenu avec ses amis, il a commencé à creuser dans le trou pour voir ce que ça contenait. Malheureusement, il n'arrêtait pas de trouver des couches à chaque 10 pieds de bûches. Des bûches à chaque 10 pieds. Ouais. Ah. Donc, il était incapable de continuer. Donc, ils sont partis. Les garçons sont revenus 8 ans plus tard pour finir ce qu'ils avaient commencé. Avec de meilleurs équipements, ils ont recommencé à creuser. Ils sont quand même très... résilients. Ils lâchent pas, hein? Exactement. Ils n'arrêtaient pas de trouver des bûches à chaque 10 pieds. À un moment donné, ils sont arrivés à une couche de charcoal, du charbon, OK? Une couche de fibres de noix de coco et un paquet d'affaires comme ça. À 90 pieds de profondeur, ils ont trouvé une pierre avec une mystérieuse inscription dessus. On comprenait pas ce que ça voulait dire. Ensuite, ils ont attrapé, ils sont tombés sur de l'eau. Et ça a rapidement, l'eau a rempli le trou. Ils ont pas réussi à pomper l'eau assez rapidement. Le créateur, ce qu'on a appris plus tard, c'est que le créateur de ce trou-là avait construit un tunnel, attrape un piège. Donc, il avait fait connecter le tunnel à une plage proche dans ce coin-là. Il avait connecté le trou pour que lorsqu'on arrive à cet étage-là, en enlevant la pierre, l'eau de la plage allait finir par passer à travers le tunnel. Donc. Et ça allait créer un piège. Donc, on a essayé de creuser un nouveau trou parallèlement au trou d'origine pour essayer de se rendre en dessous pour voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. À un certain point, le trou d'origine s'est tombé dessus, s'est retombé sur lui-même. Ça n'a pas empêché les explorateurs d'essayer de trouver pourquoi c'était là depuis presque 200 ans et on sait toujours pas aujourd'hui pourquoi c'est là. Hein, voyons donc. Vous avez la personne qui s'est donné tout ce trouble-là, il devait avoir une raison. Hein? C'est clair, mais en même temps, des petits blagueurs, il y en a. Hein? Ben oui, mais c'est parce que c'est un méchant projet. Là. Tu fais pas ça juste pour faire... Mais c'est parce que tu vas tuer quelqu'un dans 200 ans et tu trouves ça drôle. C'est ça, peut-être. Donc, des 90 pieds de profondeur. Moi, en tout cas, j'adore l'idée. C'est spécial. Je trouve ça vraiment intelligent, tout ça. Voilà, c'est tout pour notre chronique. C'est un fait. C'était court aujourd'hui, mais que voulez-vous, hein? C'est tout le temps qu'on avait pour assemblage requis. Oh, au complet? Oui, mais on va être de retour demain entre 6h30 et 9h30. En direct à partir de 7h30. Ok, oui. Restez sur nos ondes dans quelques instants. C'est Julie en liberté avec Samuel Girard et ses collègues. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, les coups des franches avec des affaires étudiantes. À 16h, c'est Précieuses Ridicules. 17h, à Livre ouvert. 18h, David Ferron va être là pour Palmarès du Monde. À 19h, le voyage insolite. Et à 20h, Rock de Neurones, cifou.ca. Pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Merci, Steph. Merci, Serge. Ça fait plaisir. On remercie David Ferron. Bien sûr, merci et Marie David. Melon. Marie Melon, comme toujours. Pourquoi, comment? Pourquoi l'oublier? Bien sûr, il y a plusieurs raisons, mais comment l'oublier? Oui. Ça, c'est plus difficile. C'est ça. Un peu. On se quitte avec Propofol et la rivière, je pense, tu sais, la plage qui va nous couler dessus comme un piège. C'est parfait. Ça va ensemble. À demain.